N'oublie pas, j't'ai validé. J'oublie pas, j'fais le tour de la cité et j'me pose aussitôt. La même gadiante, et j'l'ai chargé dans le vaisseau. Bombasse de qualité, ne veux pas de mytho. Du mal à se confier, du coup j'lui montre ce que je vaux. Et j'veux pas qu'on se rende malade, c'est pour toute la life. Ça raconte que des salades, juste pour nous voir couler. J'veux pas qu'on se rende malade, c'est pour toute la life. Laisse-les dans leur matrix, nous faut qu'on reste soudés. N'oublie pas, j't'ai validé. J'oublie pas, on s'est connus. J'étais bloqué en bas, j'ai quitté. Là c'est pour toi que je me bats. Pepita, tu sais que je me suis grave péta pour y arriver. Ben Perro, tu sais, faut quitter le ghetto pour t'en tirer. 50-50, toi et moi pour la vie. Bipti, bipti, t'hnina t'es suave. N'oublie pas, j't'ai validé. J'oublie pas, on s'est connus au quartier. Validé, j'oublie pas. On s'est...